Mais au fond, la vie, elle peut pas être injuste ou cruelle, elle est pas psychologique. Non, C'est. exactement, mais à ce niveau-là, comme je pense entre autres à Marc de la Salle que j'avais interviewé à plusieurs reprises, il disait la vie, c'est de la merde. Oui, c'est vrai. Puis la marde, c'est le matériau de la créativité. Ben, c'est à partir de la merde qu'on fait le fumier, puis on peut faire dans certains cas là, des très belles plantes, là. Ouais, ben là, c'est au niveau. Mais dans le sens que s'il n'y a pas de souffrance expérimentale, il n'y a pas d'intégration. S'il n'y a pas d'inconfort, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de dynamisme. Dans le sens que l'être humain, il a en lui ces aspects-là du petit bébé. Donc, il ne faut pas qu'il y ait le choix. Si, admettons, tout allait bien tout le temps, la conscience ne les intéresserait plus. Exactement. Bon, parce que pourquoi est-ce qu'on cherche à intégrer puis à être plus conscient? C'est parce qu'on veut faire mieux. On veut mieux. Au début, on a la subjectivité de penser qu'on mérite mieux. Après, on tombe dans l'objectivité de voir qu'il faut qu'on fasse mieux. C'est ça, c'est-à-dire l'être humain, il faut devenir créatif. Ça fait partie de l'individualisation. Ça fait partie. Puis là, après, il faut qu'il y ait une gestion qui se transforme. On n'est pas pour être mené par des programmes toute notre existence.